Djiba, je t'aime si je l'ai pas dit. Djiba, je t'aime si je l'ai pas dit. Faut pas dire. Pour toi, mon cœur peut pas courir. Bim, bim. Malembe. Dans la calme. L'amour aveugle, j'ai la vision. Amoni. Pas de love story, y'a pas d'émission. Naboy. Le temps nous dira si je t'ai choisi. Bim, bim. Malembe. On verra. On verra. On verra si c'est toi la bonne. Malembe. On verra. On verra. On verra si c'est toi la bonne. Malembe. On verra. On verra. On verra si c'est toi la bonne. Malembe, pour l'instant. Malembe, pour l'instant. Malembe. Comment ça se fait, oh? Depuis quand dans l'amour y'a des léos? Depuis quand? Elle veut porter mon bébé, oh. Mais j'ai pas prévu donner les biberons. Jamais. J'suis trop vrai, j'peux pas faire semblant. C'est vrai. Les mots doux, j'les dis pas tout le temps. Slowly. On va compter sur moi pour te rassurer. Si t'en sais, je m'en vais doucement. Je m'en vais. Ça commence, attention, tu vas gâcher. Ouais. Les câlins, faut doser, tu vas tâcher. Ouais. T'es monté, c'est trop vite, tu vas chuter. Ouais. Pourquoi faut courir quand on peut marcher? Voilà, ah, bébé. Oui. Faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé. Télé. Si tu m'aimes, tu pourras patienter. Si tu m'aimes, tu pourras patienter. Allez pas. Me dis pas je t'aime si je l'ai pas dit. Me dis pas. Me dis pas je t'aime si je l'ai pas dit. Faut pas dire. Pour toi mon cœur peut pas courir. Bim bim. Malembe. Dans la calme. L'amour aveugle, j'ai la vision. Amoni. Pas de love story, y'a pas d'émission. Naboy. Le temps nous dira si je t'ai choisi. Bim bim. Malembe. On verra. On verra. On verra si c'est toi la bonne. Malembe. On verra. On verra. On verra si c'est toi la bonne. Malembe. On verra. On verra. On verra. Si c'est toi la bonne. Malembe. Pour l'instant. Malembe. Pour l'instant. Malembe. Comment je dois faire, oh? Je dois lui faire comprendre, je suis pas Roméo. Ben oui. Je lui parle, elle est têtue. Ah. Elle écoute pas la chérie, elle est têtue. Allez, switch. Ma belle, tout ce que tu fais, ça sert à rien. Ça sert à rien, bébé. Si je m'éloigne de toi, tu sais, c'est pour ton bien. Allez, petit Kemba. Ah, ma chérie, laisse ça. Laisse ça. Tu m'as déjà connu, tu m'as comme déjà ça. Connu tu comme veux ça. Que je fasse des efforts, pourquoi? Bon anime. Je vais changer ma vie pour toi. Jamais. Ah, bébé, oui. Faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé. Télé. Si tu m'aimes, tu pourras patienter. Si tu m'aimes, tu pourras patienter. Allez pas. Me dis pas je t'aime si je l'ai pas dit. Me dis pas. Me dis pas je t'aime si je l'ai pas dit. Faut pas dire. Pour toi mon cœur peut pas courir. Bim bim. Malembe. Dans la calme. L'amour aveugle, j'ai la vision. Amoni. Pas de love story, y'a pas d'émission. Naboy. Le temps nous dira si je t'ai choisi. Bim bim. Malembe. On verra. On verra. On verra si c'est toi la bonne. Malembe. On verra. On verra. On verra si c'est toi la bonne. Malembe. On verra. On verra. On verra si c'est toi la bonne. Malembe. Pour l'instant. Malembe. Pour l'instant. Malembe. Tobina. Kidiki. Tobé taba mouvement. Malembe. Nalobi. Kidiki. Tobina. Tobé taba mouvement. Malembe. Ah, bébé va trop vite. Va doucement. Malembe. Pour l'instant. Malembe. Bébé pour l'instant. Malembe. Merci.